tout ça qu'après aller dans notre pays aujourd'hui. La Bible dit que le bon Dieu nous dit, tourne à moi, à ma figure, et puis priez, repentez, changez votre vie, et priez, sincèrement, et je vais venir à votre secours. Ça se traite sur le trio. J'ai des canardaines pour vendre, des canardaines à 10 piastres la tête, un barbecue pit pour 80 piastres, et là, deux mâles moutons, des moutons pour vendre, 5, deux petites poules blanches, des poules bennées. Quelqu'un qui veut acheter des moutons, je pense, qui peut fournir de la laine. Entertainment Center, fait avec du bois brisier. Le mesure est 61 pouces, 71 pouces de haut, 42 pouces et demi de large, 27 pouces de creux. Il peut accommoder un TV de 32 pouces. Sur votre glacière, votre freezer, votre laveuse, votre chasseuse, laveuse à vaisselle, les stoves et tout ça. Je l'avais travaillé dur pour gagner sa réputation. Et puis, aussi, on a pour vendre un double crib dans le Garden Mausoleum au Sacred Heart pour vendre par Bud ou Wonder Manual.